Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale, nous sommes le mardi 10 décembre, nous souhaitons une bonne fête au Romaric, le dicton nous dit « Décembre au pied blanc s'en vient, en de neige et en de bien ». Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de l'homme depuis 1950, journée internationale pour le droit des animaux et c'est la remise des prix Nobel depuis 1901 et dans les événements qui se sont déroulés un 10 décembre, on va retrouver des attributions de prix Nobel, mais pas que. 1848 en France, c'était l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte à la présidence de la République. 1901, pour la première fois, étaient décernés les prix fondés par testament par le chimiste suédois Alfred Nobel. 1911, la physicienne franco-polonaise Marie Curie recevait le prix Nobel de chimie pour sa découverte du radium et du polonium. 1917, prix Nobel de la paix décerné à la Croix-Rouge. 1919, prix Goncourt remis à Marcel Proust pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». 1922, Albert Einstein recevait son prix Nobel de physique, décerné l'année d'avant. 1926, Aristide Briand recevait le prix Nobel de la paix. 1948, adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU. 1963, indépendance de Zanzibar. 1964, Martin Luther King recevait le prix Nobel de la paix. 1983, Lech Walesa, militant syndicaliste polonais, recevait le prix Nobel de la paix. En 1984, c'était Monseigneur Desmond Tutu, secrétaire général du Conseil des Églises d'Afrique du Sud, qui recevait le prix Nobel de la paix. En 1993, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk recevaient le prix Nobel de la paix. 1996, c'était la nouvelle constitution en Afrique du Sud, fin définitive de l'apartheid. Et enfin, 1999, l'association Médecins Sans Frontières recevait le prix Nobel de la paix. Allez, tout de suite, avant de faire une pause musicale, on écoute Chris qui nous parle du don du son pour ce mois de décembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo, 107FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de décembre 2019 de notre département. Tout d'abord, et comme je le répète chaque mois, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour répondre à cette exigence, voici le programme des Journées du sang pour le mois de décembre 2019 dans notre département. Le 12 décembre 2019, à Xaurue-Longemer, à la salle polyvalente, située à l'adresse 15 place du 22 octobre 1919, de 16h à 19h30. Le 20 décembre 2019, à Bussan, à la salle des fêtes, située 2 place de la mairie, de 16h à 19h30. Le 23 décembre 2019, à Thiéfos, à la salle polyvalente, située à l'adresse 1 chemin Vieux-Pont, de 16h à 19h30. Le 27 décembre 2019, à Domartin-les-Remiremont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 51 rue de Pont, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Tout de suite, on écoute le groupe Placebo et leur titre « Protège-moi ». Pensées qui glacent la raison, paupières baissées, visage gris, surgissent les fantômes de notre lit. On ouvre le loquet de la grille, du tout dit qu'on appelle maison. Protect me from what I want, protect me from what I want, protect me from what I want, protect me, protect me. So Protège-moi, placebo sur RGM, presque 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 10 décembre 1941, naissance de Fionnuala Flanagan, actrice irlandaise, vue dans la série télé Brotherhood et Lost, les disparus, dans le rôle d'Héloïse Hawking. 1960, naissance de Kenneth Branagh, acteur britannique, vu dans le film Frankenstein, dans le rôle de Victor Frankenstein, Othello dans le rôle de Iago, Wild Wild West dans le rôle du docteur Arliss Loveless, Harry Potter et la Chambre des secrets dans le rôle de Gilderoy Lockhart, Dunkerque dans le rôle du commandant Bolton de la Royal Navy, et en 2017 dans Le Crime de l'Orient Express où il a incarné Hercule Poirot. 1961, naissance de Nia Peeples, actrice américaine, vue à la télévision dans Hôpital Central, Fame dans le rôle de Nicole Chapman des saisons 4 à 6, Walker Texas Ranger dans le rôle de Sidney Cook des saisons 8 et 9, Les Feux de l'amour ou encore Little Liars dans le rôle de Pam Fields. 1972, naissance de Karim Hadda, réalisateur acteur français, vu dans la série télé Caméra Café dans le rôle de Vincent Schneider alias Vince, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans le film Espace Détente. C'est également l'année de naissance de Brian Molko, chanteur-guitariste du groupe Placebo. 1978, naissance de Summer Phoenix, actrice américaine, sœur de Joaquin Phoenix. 1984, naissance de Raven Simone, actrice américaine, vue aussi cinéma dans Docteur Dolittle 1 et 2 dans le rôle de Carice Dolittle, un mariage de princesse, et surtout connue pour ses rôles à la télévision dans Cosby Show dans le rôle d'Olivia, Phénomène Raven dans le rôle de Raven Baxter, rôle qu'elle reprend d'ailleurs depuis 2017 dans la série Raven's Home, et on l'a vu également dans les séries Empire et Nashville. 2014, naissance de Jacques et Gabriella de Monaco, prince héréditaire et princesse de Monaco, jumeaux d'Albert II de Monaco et de Charlène Whitstock. En 1896, décédé Alfred Nobel, industriel suédois, créateur des prix Nobel, dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, dont celui de la dynamite. Et en 1967, décédé Otis Redding, chanteur américain, qu'on écoute tout de suite avec son titre « My Girl ». I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make you move me feel this way? It's my girl talking about my girl. I've got so much love. All the bees in me. I've got a sweeter song that I can sing. The new birds in the tree. Oh, wow. Otis Redding, My Girl, sur le 107 FM, il est pile 8h43, on parle météo. La météo. Aujourd'hui, ce sera le retour des éclaircies. On va voir le soleil, mais accompagné de nuages. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 4 et 5 degrés pour cet après-midi. Si vous avez la possibilité de profiter du soleil aujourd'hui, eh bien profitez-en, puisque dès demain, mercredi, ce sera le retour de la pluie. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour mercredi après-midi. Et jeudi, ce sera principalement de la pluie, mais en début de matinée, ce sera pluie et neige mêlées sur les hauteurs et même peut-être jusqu'à Remiremont. En plaine, par contre, ce sera que de la pluie. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés jeudi matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on parle basket avec les résultats de la NBA, nuit mitigée pour nos Français. On commence avec les bonnes nouvelles. L'équipe de Boston de Vincent Poirier s'est imposée 110 à 88 face à Cleveland. 4 points et 5 rebonds pour le Français. L'équipe de Phoenix d'Okobo s'est imposée 125 à 109 face au Minnesota, mais seulement une minute de jeu pour le Français. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier, plutôt en forme cette nuit à 26 points, s'est tout de même inclinée face à Milwaukee, 110 à 101. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 19 points et 17 rebonds, pardon, s'est incliné face à Oklahoma, 90 à 104. Un mot de football maintenant avec le tirage au sort du prochain tour de la Coupe de France. Raon L'Étape recevra le club de Lille. Très belle affiche pour le club vosgien. Épinal se déplacera pour affronter un autre club de National 2, celui de Sagracien. Nancy se déplacera à Grande-Synthe, club de National 3, et Metz se déplacera à Rouen, club de National 2. Il y a de la Ligue des Champions ce soir avec Lille qui se déplace à Chelsea, Lyon qui reçoit le Leipzig et Barcelone qui se déplace à l'Inter de Milan. Et on termine avec du biathlon, prochaine étape à Orfersen en Autriche ce vendredi. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence après les très bons résultats de l'équipe de France masculine et féminine la semaine dernière. Austersund, et bien ce seront les 6 mêmes hommes et les 6 mêmes dames qui disputeront les sprints, poursuites et relais prévus donc vendredi, samedi et dimanche en Autriche. Avant de marquer une dernière pause musicale, un point sur la journée plaisir et bien-être de ce 14 décembre de 10h à 23h, 12 rue des Capucins à Remiremont. Entrée libre et gratuite, une journée dédiée aux femmes, les enfants sont les bienvenus. Des animations et ateliers créatifs sont prévus toute la journée. Les stands présents, aînés, massages, relooking, que ce soit en coiffure, maquillage ou vêtements, bar à ongles, produits minceurs, phyto, soins du visage et du corps, sophrologie ou même encore voyance. Pour les renseignements, téléphone 06 75 95 44 34 ou encore l'adresse mail creacoupdecoeur@hotmail.fr. Allez, tout de suite, dernière pause musicale, on est à 14 jours du réveillon de Noël, on va se mettre dans l'ambiance, on s'écoute Wham et le titre Last Christmas. Ah, ah, ah, oh, oh, oh, oh. Wham! Last Christmas sur RGM, un peu plus de 8h51 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 9h30, ce sera durablement vôtre. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 18h30, Kaizen. 20h, La Parole est à vous avec Michel. 22h, J'ai mes jeux, vous le lis avec Dominique. Et 23h, 20 Flight Rock. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.